بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue chers frères et sœurs. Aujourd'hui on va commencer inshallah ta'ala cette série de cours pour donc en l'occasion du premier séminaire de l'Aïeule du Savoir ici en Martinique. C'est le premier, Inch'Allah, ce n'est pas le dernier. En espérant qu'on pourra en faire plusieurs comme ça dans l'année, bismillah. Il faudra chercher les jours de congé où ils sont. Et donc tout d'abord, on remercie Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous avoir permis de nous rassembler ici, en ce lieu, pour apprendre notre religion et pour apprendre, pour chercher à comprendre le livre qu'il a fait descendre. Tabaraka wa ta'ala. Et certes, Allah Azza wa Jal, il dit dans son livre « Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab » Toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur. « Wa lam yaj'al lahu 'iwaja » Et il n'y a placé aucune tortuosité, pas d'ambiguïté. C'est un livre qui est clair et qui appelle à la guider, à la droiture. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, elle nous montre sa louange par rapport au fait qu'il a fait descendre sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre, la science, que nous allons chercher à apprendre durant ces quelques jours, bi'ibnillahi ta'ala. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier ensuite les responsables de cette mosquée. En premier lieu, l'imam Mbaké, ainsi que les responsables du bureau qui ont accepté de participer avec nous et dans l'organisation de ce premier séminaire. Et donc, il est important qu'on remercie aussi tous ces gens-là, car ça, comme vous pouvez le constater, ça demande de l'organisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah » Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parmi les bénéfices qu'il y a dans le fait de faire ce genre de séminaire, il y a le fait que les musulmans peuvent se rencontrer et faire connaissance. Car souvent on est pris par le temps. Là, pendant plusieurs jours, on va rester ensemble. On va pouvoir faire connaissance un peu plus. Mais aussi parmi les bénéfices de ce genre de séminaire, il y a aussi et surtout la propagation de la science. La propagation de la science, al-ilm, al-shar'i. Et certes, l'individu, l'homme, ou la femme, l'individu, le croyant, il ne peut pas prier sans la science. Il ne peut pas s'acquitter de l'aumône sans la science. Il ne peut pas jeûner sans la science. Il ne peut pas faire de pèlerinage. Que ce soit le petit pèlerinage, ou la umra, que ce soit la umra ou le hajj, le croyant ne peut pas faire tout cela, accomplir ses actes d'adoration sans science. Il a besoin de savoir comment prier, comment s'acquitter de l'aumône, comment jeûner, qu'est-ce qui va rendre l'acte d'adoration caduque ou pas. Et donc nous avons besoin de science dans tous les actes d'adoration que nous faisons. Encore pire que cela, encore plus que cela, pour dormir. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui t'est recommandé lorsque tu veux dormir, qu'est-ce qui t'est recommandé lorsque tu te réveilles. Et tout cela, tu le sais par la science. Et donc l'apprentissage de la science en islam, mon cher frère, barakallahu fikoum, est un sujet très important. Et un sujet que nous ne devons pas négliger. Et c'est pour cela que la science est la base de toute bonne chose, comme nous verrons inshallah ta'ala à la fin de ce cours. La science est la base de toute bonne chose. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui dont Allah lui veut du bien, alors il lui accorde la compréhension de la religion. Celui dont Allah lui veut du bien, lui accorde la compréhension de la religion. Parce que toute bonne chose que tu dois faire dans la religion, tu as besoin de science. Tu as besoin de savoir comment faire cette chose. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, Qur Rabbi zidni ilma. Dit, ô Seigneur, augmente-moi en science. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète d'invoquer en disant, ô Seigneur, augmente-moi en science. Le très savant Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il commente ce verset en disant, فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه وإلى سؤال الله عز وجل أن يزيدهم منه فمن دون الأنبياء من باب أولى. Il dit le très savant Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, les prophètes ont besoin de science et ont besoin de l'augmentation de celle-ci. Et ils ont besoin de demander à Allah Azza wa Jal qu'il leur augmente en science, les prophètes. Il dit donc, ceux qui sont en dessous des prophètes ont encore plus besoin de cela. Ils ont encore plus besoin de cette science, ils ont encore plus besoin de demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il augmente leur science. Il continue, Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, il dit « Fajadirun bil abdi » أن يسأل الله دائما أن يزيده من العلم ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلا بد أن يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم أما أن يطلبه ويقول ربي زدني علما ولم يفعل الأسباب فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب. Il continue le très savant Ibn al-Uthaymeen rahimahullah et il dit: et donc le serviteur doit s'efforcer de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, de lui demander tout le temps qu'il lui augmente de la science, qu'il lui accorde beaucoup de science. Cependant, lorsque le serviteur demande à Allah qu'il lui augmente en science, il est impératif que ce serviteur s'efforce d'accomplir les causes qui entraînent la science et qui entraînent l'augmentation de la science. Et donc il n'est pas convenable que la personne, elle demande, elle invoque en disant « Ô Seigneur, augmente-moi en science » et elle n'accomplit pas les causes qui mènent à celle-ci. Cela ne fait pas partie de la sagesse et cela n'est pas correct. « هذا كمن قال الله ارزقني ارزقني ولدا ولا يتزوج من أين يأتي هذا الولد » Cela est comme la personne qui dit « Ô Seigneur, accorde-moi un enfant » mais il ne se marie pas. D'où viendra l'enfant ? إذا سألت الله تبارك وتعالى شيئا إذا فلا بد إذا سألت الله تبارك وتعالى شيئا أن تسعى للأسباب التي يحصل بها. Et donc il est impératif que lorsque tu demandes à Allah تبارك وتعالى quelque chose, que tu t'efforces d'accomplir les causes menant à cette chose. Fin de citation de cette très belle parole du Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah. Et j'ai envie de dire aux chers frères, barakallahu fikoum, c'est comme pour la guider. Tous les jours, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie de rectitude, guide-nous sur la voie de rectitude. Et donc, on demande tout le temps. Et donc, il est important aux chers frères qu'on fasse les causes, qu'on accomplisse les causes qui nous permettent déjà de connaître quelle est cette voie de rectitude, afin qu'on puisse y adhérer, afin qu'on puisse vivre et mourir sur cette voie de rectitude. Donc nous devons faire les causes, et c'est ce que nous allons chercher à faire durant ces quelques jours, bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, il est important de savoir, aux chers frères, que la science élève l'individu en degré. Et que la science, la recherche de la science, est une des grandes causes menant au paradis. Abu Daoud, il a cité dans son Sunan, selon Abu Darda, radiallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah » Celui qui emprunte une voie, recherchant par celle-ci une science, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde par cela une facilité. Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite une voie menant au paradis. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm bima yasna. Et certes, les anges rabaissent leurs ailes pour l'étudier en science par satisfaction de ce qu'il fait. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ. Et certes, le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, implorent le pardon d'Allah pour lui, même les poissons dans l'eau. Même les poissons dans l'eau, il dit sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Et certes, les bienfaits, les mérites du savant sur l'adorateur sont comme les mérites de la lune sur les autres astres, les autres étoiles. Et donc la lune, on la voit clairement. Et la lune, dans une nuit de pleine lune, elle nous accorde beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Pourtant, ce n'est pas elle qui produit cette lumière. Et donc, les mérites et les bienfaits de la lune sur nous sont beaucoup plus importants que les bienfaits des autres astres. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait ici une comparaison entre le savant et l'adorateur, comme on fait la comparaison entre la lune et les autres astres. Et tout cela pour nous montrer l'importance qu'il y a dans l'apprentissage de la science et les bienfaits que cela a chez les êtres humains. Et ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce même hadith, il dit « Wa innal ulama warathatul anbiya » Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. « Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman » Et certes, les prophètes, ils n'ont pas laissé de dinars ni de dirham en héritage. Ils n'ont pas laissé d'argent. « Wa innama warathul ilm » Cependant, ils ont laissé la science comme héritage. « Faman akhazahu akhaza bihaddin wafir » Alors, celui qui prend la science, prend une pleine part. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, pendant ces quelques jours, de bénéficier de cet héritage que nous a laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La science, afin d'y méditer, afin d'œuvrer avec celle-ci, comme cela nous a été demandé. Mais ce genre de séminaire, oh chers frères, barakallahu fikoum, pour y profiter correctement, ou du moins pour en profiter correctement, il y a certains points importants à comprendre. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire une ouverture avant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, premièrement, pour réellement tirer profit de ce séminaire, de ce genre de séminaire, il est important, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on ait l'ikhlas, la sincérité et l'exclusivité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Hurayra radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ta'allama ilman mimma yubtara bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah » Rawahu Abu Daoud. Il dit Abu Hurayra radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend une science par laquelle on recherche la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, une science par laquelle on recherche la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il n'apprend cette science que pour bénéficier des délices de ce bas monde, alors celui-ci ne sentira pas l'odeur du paradis. Rapporté par Abu Daoud. Et donc il est important que lorsque tu apprends ta religion, que tu le fasses lillah, pour Allah. Tu ne fais pas cela pour que les gens disent « Mashallah, le frère a été au séminaire, il a pris plein de notes, il a bien appris, Mashallah. » Ou au cas où si on fait un concours à la fin du séminaire, « Mashallah, c'est lui le premier, etc. » Ou tu ne fais pas ça pour que quelqu'un dise « Mashallah, il est vraiment bien, tiens, je vais le marier à ma fille. » Tu fais ça, « Lillahi azzawajal, pour Allah, tabaraka wa ta'ala. » Et donc il est important, premièrement, qu'on commence à enlever toutes les mauvaises intentions qui peuvent perturber le bénéfice de ce séminaire. Ensuite, deuxièmement, le deuxième point, c'est le fait de bien écouter et d'être concentré. Barakallahu fikoum. Bien écouter et être concentré. On n'est pas là pendant le séminaire, en même temps dans le téléphone, hein? En même temps on regarde ce qui se passe dehors, dès qu'il y a une occasion de s'échapper, on s'échappe. Et aussi ceux qui sont à la maison, qui écoutent en ligne, ça c'est encore plus difficile encore. Il y a si, il y a le thé qui est posé, il y a plein de choses, etc. Plein de distractions qui font que des informations elles peuvent passer, sans qu'on en profite correctement. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, mon cher Afkar, de bien écouter et d'être concentré. Oussama ibn Shariq, il nous dit « Ataytu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. » Il dit « J'ai été auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est comme s'ils avaient un oiseau sur la tête. C'est comme si chacun d'entre eux avait un oiseau sur la tête. Ils ne bougeaient pas. » Pour qu'un oiseau se pose sur ta tête et qu'il reste, il faut qu'il ne bouge pas. Et donc ils étaient là, ils écoutaient attentivement. Alors il continue, il nous dit « Fasallamtu thumma qa'ad » Alors je leur ai passé le salam et je me suis assis. « Faja'a al-a'rabu min ha'huna wa ha'huna faqalu »« Ya Rasulallah, ana tadawa » Alors les bédouins sont venus de par-ci et donc sont venus de Minhehuna wa hehuna, comme on traduit en français. D'ici et d'ailleurs, barakallahu fikoum. Et donc les bédouins sont venus d'ici et d'ailleurs. Et ils ont demandé, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, est-ce que nous devons nous soigner? C'est-à-dire, est-ce que cela est contraire au tawhid? Est-ce que cela est contraire au fait de placer notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que nous devons nous soigner? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, soignez-vous, soignez-vous! فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ دَاءً إِلَّا وَوَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا الْهَرَمُ. Il a dit car Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait descendre, il n'a pas placé une maladie sans qu'il ait mis aussi son antidote, son remède. Sauf al-haram, ce qui est voulu ici, la mort. Et donc il nous dit de nous soigner, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons, il a pu bénéficier, il a pu tirer cette information, il a propagé, parce qu'il était concentré, il a écouté. Et les autres qui étaient là, ce n'est pas eux qui posaient les questions, mais certains disaient même, on attendait que les bédouins venaient pour poser des questions, parce que nous, on n'osait pas. Et donc, ils sont attentifs. Et il est important qu'on soit comme tel au cher frère. Et d'ailleurs, on va le comprendre dans cette première leçon, ce premier cours, que nous avons tous, en nous, une maladie. Nous avons tous en nous une maladie, si on peut l'appeler comme ça. Et cette maladie, c'est l'ignorance. Alors nous devons nous soigner. Nous devons nous soigner. Et donc, comment on fait pour se soigner de cette maladie? On apprend. On apprend, tout simplement. Et d'ailleurs, parmi les méthodes d'apprentissage, et c'est là qu'on arrive à un autre point important, El-Kitab, l'écriture. Ne vous inquiétez pas, ce que j'ai aujourd'hui, tout ça, je vais vous le mettre en français à l'écrit et je vais vous l'envoyer, bismillah ta'ala. Et derrière, inshallah, donc on a nos frères qui ont préparé des livrets de notes pour faciliter tout le monde, afin que tout le monde puisse noter. Bismillah ta'ala, on va distribuer les livrets, inshallah. Et donc à partir de demain matin, on pourra, bismillah, prendre des notes. C'est très important. Et ceux qui ont l'habitude d'assister à mes cours, savent que j'insiste sur ce sujet. Parce qu'en réalité, barakallahu fikoum, les frères, c'est choquant. C'est choquant de voir comment la communauté musulmane, je ne parle pas de la Martinique, mais c'est sûrement mondial. Le fait qu'on ne note pas. On vient, on assiste à des cours, on ne note pas, on part, et on sait très bien que nous ne sommes pas des ordinateurs. Mais c'est plutôt le contraire. On n'a pas la mémoire des sahabes. Les sahaba qui mémorisaient sans noter. On sait très bien qu'on n'a pas leur mémoire. Et les mêmes questions se répètent chaque année. À chaque année qu'il y a le jeûne, c'est les mêmes questions qui sont posées. Et d'ailleurs, le même problème revient lorsqu'on fait des quiz, par exemple. Hein? Lorsqu'on essaie de faire quelques petites activités pour nous rappeler un peu les principes importants de notre religion. Et c'est là qu'on voit qu'on a un manque. Alors on participe, on essaie d'avancer. Mais tout ça, c'est en prenant des notes. C'est important qu'on prenne des notes, chers frères. Barakallahu fikoum. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il nous cite dans son jami'. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam et qu'il lui a accordé son âme, alors Adam a éternué, il a dit Alhamdulillah. Fahamida Allah bi'idhnihi. Alors il a loué Allah par donc sa permission. Faqala lahu rabbuhu rahimaka Allah ya Adam. Alors son Seigneur, il lui a dit Rahimak Allah ya Adam, qu'Allah te fasse miséricorde, Adam. Idhhab ila ulaika al-mala'ika ila mala'in minhum julus. Va voir ces anges. Donc un groupe d'entre eux assis. Va les voir. Fakul assalamu alaykum. Alors dit assalamu alaykum. Il l'a fait, Adam. قالوا وعليك السلام ورحمة الله. Les anges ont répondu وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك. Alors Adam est revenu vers son Seigneur qui lui a dit certes ceci est ta salutation السلام. Ceci est ta salutation et la salutation de tes enfants. فقال الله له ويداه مقبوضتان. اختر ايهما شئت. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il avait les deux mains fermées et il a dit à Adam, choisis celle que tu veux. Il a les deux mains fermées, il dit à Adam, choisis celle que tu veux. قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركه. Alors Adam il dit, je choisis la main droite de mon Seigneur et les deux mains de mon Seigneur sont droites, bénies. Ce sujet, on le verra aussi pendant le cours, inshallah ta'ala. Pendant les cours du séminaire, on le verra en détail. Bi'inillahi ta'ala, les mains d'Allah. Thumma basataha, fa'idha fiha Adam wa dhurriyatuhu. Alors Allah a ouvert cette main et il y avait dedans Adam et sa descendance. Fa'kala ayya rab, ma ha'oula. Alors Adam, il a dit, oh Seigneur, qui sont ceux-là? Kala ha'oula idhurriyatuk. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, ceux-là sont ta descendance. فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُومٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Alors il y avait chacun d'entre eux, son âge était écrit entre ses yeux. Son âge était écrit, la durée de sa vie était écrite entre ses deux yeux. فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَأُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَأِهِمْ قَالَ يَا رَبْ مَنْ هَذَا. Alors, c'est alors qu'il y avait un parmi eux qui était celui qui était le plus lumineux parmi eux. Ou un de ceux qui étaient, donc il faisait partie de ceux qui étaient les plus lumineux, ceux qui avaient le plus de lumière. Alors Adam a dit, mais qui est-ce, ô Seigneur? Alors il dit, Tabaraka wa ta'ala, Hada ibnuka Daoud, qad katabtu lahu umra 40 sana. Il dit, ça c'est ton enfant, Daoud. Je lui ai décrété une vie de 40 ans. قال يا رب زده في عمره. Adam a dit, oh Seigneur, augmente-lui sa vie. قال ذلك الذي كتب له. Allah lui dit, ceci est ce qui a été décrété pour lui. قال يا رب فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. Il dit, oh Seigneur, je lui donne dans ma vie 60 ans. Je lui donne dans ma vie 60 ans. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il lui dit, Anta wa dhak. C'est toi et lui. C'est-à-dire que c'est réglé. C'est réglé. Et ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en racontant cela, Thumma uskina al-jannata ma sha'a Allah. Thumma uhbita minha. Fakana Adam ya'uddu li nafsi. Ensuite, donc, Adam fut placé au paradis, donc durant la période que Allah a voulu. Ensuite, il fut donc descendu du paradis. Et Adam, kana ya'uddu li nafsi, il comptait. Il comptait le temps qui lui restait, puisque lui, il avait vu la durée de chacun. Et donc, il comptait le temps qui lui restait. Fa'atahu malakul maut. L'ange de la mort est venu à lui, à Adam. Qala lahu Adam, qad ta'ajjalt. Adam lui a dit, tu t'es précipité. Kutiba li alfu sana. Il m'a été décrété 1000 ans. Tu t'es précipité, il dit à l'ange. Alors l'ange lui dit, Bélé, وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِبْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَا. L'ange de la mort, il a dit à Adam, effectivement, il a été écrit pour, décrété pour 3000 ans. Mais tu as accordé 60 ans à ton fils Daoud. فَجَحَدَ Adam, فَجَحَدَ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ Adam, فَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ. Alors Adam a nié et sa descendance niera forcément. Adam a oublié et sa descendance oubliera forcément. Et donc, on a en nous, chers frères, une maladie. Il faut qu'on l'admette, on oublie. On oublie. Parfois, certains, comme moi, on nous demande à la maison, est-ce que tu peux aller me faire des courses, ça. Juste le temps de faire la route. Tu arrives au magasin, la liste, elle est déjà partie de ta tête. Obligé de reprendre le téléphone. Salam alaikum, c'est quoi déjà qu'il fallait? Ou alors, parfois, tu achètes totalement autre chose. Tu es sûr que c'est ce qu'on t'a demandé, mais tu te trompes. Faut qu'on admette qu'on oublie. Prends la liste à l'écrit déjà et pars avec. Pareil pour l'ilm, pour la science. On veut apprendre. On veut avancer dans notre religion. Alors c'est important qu'on écrive. C'est important qu'on écrive. Et c'est d'ailleurs pour cela les savants ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé, lorsqu'on fait une vente, lorsqu'il y a une dette, d'écrire, de prendre des témoins. Parce qu'il se peut que la personne elle oublie. Tu viens 5 ans après, il y a rire. J'ai telle et telle date, je t'avais prêté 2000 euros. Ah bon? De quel 2000 euros tu me parles là? Je ne me rappelle pas. Franchement, je ne me rappelle pas. Et donc, ça arrive que les gens oublient. Alors, on prend nos précautions. Ça, concernant l'argent, concernant les dettes, on prend bien nos précautions, machallah. On note tout. Hein? Si on a prêté de l'argent à quelqu'un, on le note à coup sûr un tel temps. On a la liste à la maison. Taïeb, pour l'ilm. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne note rien. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne note rien du tout. Pourtant Allah tabaraka wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran, "Allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam." Celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'humain, à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Et donc il est important barakallahu fikoum qu'on écrive. Et d'ailleurs, Al-Bukhari, il cite dans son Sahih, selon Abu Huraira. Vous connaissez Abu Huraira, les frères? On l'a déjà cité. On le cite souvent, Abu Huraira. Pourquoi on le cite souvent, d'ailleurs? Pourquoi on cite souvent Abu Huraira? C'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Abu Huraira, une montagne de science parmi les compagnons du messager d'Allah. Il dit, Abu Huraira, radiyallahu anhu, « Ma min ashabin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam » أحد أكثر حديثا عنه مني إلا كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. أبو هريرة رضي الله عنه il nous dit il n'y a aucun parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a plus de hadith que moi, plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi, sauf Abdullah ibn Amr, car il écrivait et je n'écris pas. Et donc ici, Abu Huraira radiallahu anhu, il nous affirme que la cause qui fait qu'Abdullah ibn Amr, il a mémorisé plus de hadiths que lui, c'est qu'Abdullah ibn Amr, il écrivait. Et Abu Huraira n'écrivait pas. Est-ce que ici nous avons la mémoire d'Abu Huraira? Non, on ne l'a pas. Alors pourquoi on n'écrit pas? Et donc c'est important, chers frères, qu'on prenne des notes, on apprenne à prendre des notes. C'est comme ça qu'on va avancer avec le temps. Parmi les points importants aussi, si on veut tirer profit de ce genre de séminaire correctement, il y a le fait de demander. Il ne faut pas qu'on soit gêné de poser des questions. C'est quoi ça? Quel est le jugement de telle chose? Je n'ai pas compris. C'est important de demander. Aïcha radhiallahu anha, elle dit, comme on peut le voir dans Sahih Muslim, Al-Bukhari l'a cité aussi, mais sans citer la chaîne de transmission. Aïcha radhiallahu anha qui dit « Ni'man nisa'u, nisa'u l'ansar, lam yakunil haya'u yamna'uhun an yatafaqahna fid din. » Que sont bien les femmes des ansar? La pudeur, la gêne ne les a pas empêchées d'apprendre la religion, de rechercher la compréhension de la religion. Si une devait venir pour poser des questions sur les menstrues, elle venait poser des questions sur les menstrues. Sur des rêves, elle venait poser des questions sur des rêves. Parce que là, il faut apprendre. Et donc, il est important, cher frère, barakallahu fikoum, qu'on apprenne cela. Qu'on ne soit pas gêné de poser des questions. Et il y a aussi un point très important, très très important, al-muraja'a, la révision. Alhamdulillah, on va prendre des notes. On va prendre des notes, bismillah ta'ala. Mais après avoir pris des notes dans ce livret, mashallah, qu'Allah récompense encore ceux qui ont travaillé pour la mise en place de ce livret. Et donc, une fois qu'on aura pris des notes dans ce livre, on ne va pas le laisser à la maison comme ça prendre de la poussière. Et donc, c'est bien qu'on se contacte entre nous, parce que tout seul, c'est difficile, et qu'on révise ensemble des groupes de frères, des groupes de sœurs. Tel jour, est-ce qu'on peut se rencontrer, on se pose des questions. Tel et tel sujet, c'est quoi la ville plus juste? Tel et tel sujet, c'est comment? C'est quoi la preuve? Toi, tu as noté quoi? Déjà, après les cours, c'est important de faire ça. Dès que le cours est fini, si on peut se poser, alors dis-moi, toi, tu as noté quoi? À tel moment, il a dit ça, à tel moment-ci. Ensuite, on rentre à la maison, on révise. On se retrouve un autre jour. On se pose des questions. On se pose des questions avec le livret devant nous. La fois d'après, on se pose des questions sans livret devant nous. Il faut répondre, on a mémorisé. Et c'est comme ça qu'on avance. On est là parfois, on passe des heures à parler. On parle, oui, l'œuf, si, ça, voiture, foot, si, ça. Que des sujets qui ne sont pas bénéfiques. Venez, on passe du temps dans quelque chose de profitable. Et c'est comme ça qu'ils faisaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim, il le cite dans son sahih, que Abu Talha, radiallahu anhu, disait, « Kunna ku'udan bil afniya natahaddath. » Nous étions assis, al-afniya, c'est-à-dire l'entrée d'une maison. Nous étions assis, donc nous nous retrouvions assis aux entrées des demeures, mais c'est sur le passage. On parlait. Faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqama alayna. Faqal ma lakum wa limajalis as-su'udat. Il a dit sallallahu, donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il s'est tenu devant et il leur a dit, mais qu'avez-vous à faire des assises dans le passage? Le chemin. Alors ils ont répondu, les compagnons, radiallahu anhum, jalasna li ghayri ba'sin. Nous nous sommes assis sans. Nous ne nous sommes pas assis pour une mauvaise raison. Kunna natadhakar wa natahaddath. Ils ont dit, on révisait et on parlait. On révisait et on parlait. Et donc ces gens-là révisaient. Ils révisaient. Il y a plusieurs hadiths qui citent que les compagnons, ils révisaient entre eux. Une autre fois encore, ils disent, on était en train de réviser, kunna natadhakkara as-sa'a. On révisait le sujet de la fin des temps. Et donc ils révisaient entre eux. Pourtant ils avaient une mémoire que nous n'avons pas. Qu'est-ce qui nous empêche à nous de réviser? On se pose, on révise la aqidah, on révise tel et tel sujet qu'on a vu dans la jurisprudence, on révise le Coran, les hadiths. Qu'est-ce qui nous empêche de réviser? Et donc c'est important, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on accorde du temps à cela. Il y a aussi, parmi les points importants, le fait d'œuvrer avec la science. Al-Bayhaqi, il cite, avec la chaîne de transmission, qui monte jusqu'à Yahya ibn Abi Kathir, qui dit « Kunna nasta'inu ala hifzil hadithi bil amali bihi ». Nous nous aidions pour mémoriser les hadiths, nous nous aidions du fait d'œuvrer avec ceci. Et donc c'est important que lorsque tu apprends quelque chose, que tu œuvres avec celle-ci. Comme on a dit tout à l'heure, tous les jours on demande « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous sur la voie de rectitude ». La voie de rectitude c'est quoi dans le Coran, dans le Fatiha? C'est quoi la voie de rectitude? On a déjà vu dans le tafsir « Siratul ilmi wal amali bihi ». C'est la voie de la science et du fait d'œuvrer avec la science. Lorsque tous les jours, à chaque prière, tu demandes à Allah de te guider sur la voie de rectitude, c'est quoi la voie de rectitude? C'est la voie de la science et des œuvres qui vont avec. Ce n'est pas la voie de ceux qui ont couru la colère d'Allah, qui ont eu la science mais n'ont pas œuvré avec. Ils ont su que le prophète allait arriver, ils connaissaient les signes de la prophétie, etc. Mais ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas œuvré avec la science. Et ce n'est pas non plus la voie de ceux qui sont égarés, qui ont œuvré sans science. As-sirat al-mustaqim, entre les deux, la voie de la science et du fait d'œuvrer avec la science. Et donc lorsqu'on participe à ce genre de séminaire, on apprend, mais c'est pour œuvrer avec par la suite. Et ça c'est très important, barakallahu fikoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre plusieurs choses. Et parmi ces choses, il y a une science qui n'est pas profitable. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. J'implore ta protection contre une science qui n'est pas profitable. C'est quoi une science qui n'est pas profitable? Ça peut être le fait, ça peut être une science, un savoir qui mène à quelque chose d'interdit, comme la sorcellerie. Quelqu'un qui connaît, qui a de la science dans la sorcellerie, et que cela lui mène à l'illicite. C'est une science qui ne lui est pas profitable, car cette science l'amène à faire des choses illicites. Une science qui n'est pas profitable, ça peut être une science qui ne te mène pas forcément à l'illicite, mais qui n'est pas profitable non plus, comme le fait de savoir qui a gagné la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions ou je ne sais pas quelle coupe encore qu'il y a. Est-ce que c'est quelque chose qui va t'aider à faire ta salade? Non. Et donc, ce n'est pas une science qui est profitable. Et donc, une science qui n'est pas profitable, ça peut être aussi une science correcte, une science qui t'amène au bien, mais que tu n'œuvres pas avec. Tu n'œuvres pas avec la vérité, mais tu la connais, mais tu n'œuvres pas avec. Tu sais que telle chose est illicite et tu le fais. Cette science n'est pas profitable. Et c'est là que tu rentres dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. El Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. Et donc c'est important, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on cherche à œuvrer avec notre science. Et le dernier point qu'on verra ce soir, inshallah ta'ala, avant la prière, il y a la bonne intention. La bonne intention. Parfois, certaines personnes peuvent venir assister à un cours, mais l'intention, ce n'est pas d'apprendre, parce que pour lui, il connaît déjà. L'intention, ce n'est pas d'apprendre, de chercher à s'améliorer. On peut avoir plusieurs autres intentions. Et donc, il est important qu'on ait une bonne intention, car l'être humain a été créé, l'être humain est ignorant et injuste. Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'être humain, il dit « Innahu kana zaluman jahula ». Certes, il est injuste et ignorant. Et l'ignorance, et donc, excusez-moi, ces deux caractères, sont des caractères qui vont corrompre l'individu et le mener à sa perte. Il doit donc tout faire pour se soigner de ces deux maladies. Comment on se soigne de l'ignorance? C'est en apprenant. Mais il reste encore une autre maladie, l'injustice. Et l'injustice qui est le fait d'avoir une mauvaise intention, une mauvaise volonté. Le fait de vouloir faire autre chose que ce qui nous est demandé par cette science. Et donc une personne apprend la science, elle connaît la vérité, mais elle ne veut pas œuvrer avec, elle veut autre chose, elle a une mauvaise intention. Et donc il est important, impératif, qu'on apprenne à corriger nos intentions, à enlever de nous ce mal. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكِ. Il y a parmi eux, parmi les incroyants, certains qui t'écoutent. Ils venaient, ils écoutaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'écoutaient pas pour profiter, ils écoutaient plus pour se moquer. فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. Et lorsqu'ils sortaient de chez toi, alors ils disaient à ceux qui ont eu la science, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il disait ça pour se moquer. Et donc, il ne venait pas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour profiter, mais il venait pour une autre raison. Et donc, il est important, chers frères, qu'on ait une bonne intention lorsqu'on vient à une assise de science, qu'on cherche à purifier nos cœurs, qu'on cherche à avancer. Et pour finir, on va finir avec une belle parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui nous dit « Fa aslu kulli khayrin huwa al-ilmu wal-adl » Wa aslu kulli sharrin huwa al-jahl wa al-dhulm. Et donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, la base de tout bien, de toute bonne chose vient de la science et de la justice, le fait d'être droit, d'être juste. Et la base de toute mauvaise chose vient de l'ignorance et de l'injustice. Et donc nous pendant ce séminaire, on va tout faire pour enlever de nous, éloigner de nous ces deux caractères, l'injustice et l'ignorance. Et cela par 5 cours par jour. Ce soir, on a fait un peu plus long que ce qui va arriver, bi'inillah. 5 cours par jour, donc forcément, je ne vais pas faire long. Bi'inillah, ça sera des cours, je pense, wallahu alam, on va essayer de faire une demi-heure. Après, ça dépend de vous, parce que j'irai à votre rythme. J'irai à votre rythme, mais je pense que ça sera en général une demi-heure par cours. Et on va aussi voir comment réviser ensemble, inshallah ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde à tous la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.